Vous êtes sur Fadjet 94.2 et c'est l'heure de l'émission des bons plans solidaires. Eh bien bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Fadjet 94.2 pour une nouvelle édition de l'émission Les bons plans solidaires, organisée par le GSA de l'association Arelia. Alors aujourd'hui on a plein de monde autour de la table, c'est vraiment très bien. Bonjour Bertrand. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors tu vas nous faire ce mois-ci une chronique sur... Le certificat médical nécessaire ou pas pour faire du sport. Bonne idée. Et nous aurons aussi Alain, bonjour Alain. Bonjour Lionel, bonjour Radio Fadjet. Voilà, toi tu vas nous parler d'une chronique concernant une occupation qu'on peut faire l'hiver plutôt que de s'ennuyer quand il fait froid. On continue, on aura aussi notre premier invité qui est Stéphane Silistri de l'association Arelia. Bonjour Stéphane. Bonjour à vous. Et puis nous aurons aussi le responsable de l'association des Tigres, le club de football américain à Nancy. Et plus des chroniques, etc. L'émission va vite passer, il est l'heure, on démarre, c'est parti. Maintenant Alain, lors de la préparation de notre émission, on se posait la question, l'automne arrive, on a de la chance, il fait beau depuis deux semaines, mais bon, les mauvais jours vont arriver, on va s'ennuyer, qu'est-ce qu'on va faire à la maison en attendant que le temps passe? Et tu nous as suggéré une idée de faire des replans de plantes d'appartement. Explique-nous. C'est très facile à faire. Chez vous, vous avez des pots de plantes qui sont très vieilles, vous les dépotez. Vous les posez sur du journal, sur une table. Vous coupez la racine en quatre. Vous prenez un pot neuf, 10-15. Vous mettez un caillou au fond. Le caillou va empêcher la terre de partir quand on va arroser. Ouais. Ensuite, vous replacez le pot jusqu'au bourrelet. Ouais. Ce qu'on appelle le bourrelet, le haut qui est un peu plus épais du pot. Vous prenez un plantoir. Ouais. Vous faites un trou au milieu, comme un entonnoir à peu près de 4 à 5 cm. Oui. Vous prenez la bouture qu'on a coupée tout à l'heure dans la terre, vous secouez un peu la terre, vous coupez à moitié les racines. Vous tenez par la tête la plante, Ouais. Vous l'enfoncez dans le trou, avec votre doigt, vous continuez à remplir. Une fois que c'est rempli, rajoutez de la terre jusqu'au col. D'accord. Vous appuyez bien comme il faut tout autour. Pour tasser. Vous relâchez la plante, qu'elle s'épanouisse comme il faut. Vous prenez un engrais liquide. Dans une grande surface, ouais. Ça vous coûtera moins cher. Une bouteille en plastique, ouais. D'un litre, un bouchon, et pas plus, autrement ça va être trop fort, et la plante risque de mourir. Donc un bouchon d'engrais liquide. Dans un litre d'eau. Un litre d'eau, ouais. Vous secouez un peu la bouteille, ouais. Vous attendez 2, 3, 4 minutes que le produit... Enfin c'est fait. C'est vous prenez un verre à moutarde, ouais. Vous le remplissez les trois quarts, ouais. Avec le produit qu'on a mélangé, ouais. Et vous arrosez autour du pot, pas sur la plante elle-même. D'accord. Tout autour. Tout autour. Mettez une soucoupe avant en dessous. D'accord. Sinon, vous allez avoir des problèmes d'eau. Qui peuvent couler, oui. Une fois que tout ça est fait, c'est très simple. Vous la posez sur le bord d'une fenêtre. Oui. Pas trop au soleil. Oui. Et pas trop au courant d'air. Et pas trop non plus, peut-être, près des radiateurs. À éviter. À cause de la chaleur, les feuilles vont jaunir. D'accord. Et vous regardez cette plante, au bout d'un bout de temps, va s'épanouir, va devenir magnifique, et les gens seront contents. Le rite de l'arrosage, tu arroses la plante tous les combien de temps? Quand c'est tout nouveau, la première semaine avec un engrais. D'accord. Et les quatre autres semaines, de l'eau claire. D'accord. C'est-à-dire de l'eau de robinet. D'accord. Et vous laissez comme ça jusqu'à pépette la galette. D'accord. Et puis, ça va... Elle va repartir normalement. Alors, on a fait un atelier au GSA il y a peu de temps, et ça s'est vraiment bien passé, puisque tout le monde est reparti avec sa plante, et on va remettre ça en route. C'est vrai que c'est une belle occupation quand il fait gris, plutôt que de s'ennuyer, et ça coûte pas très cher. Mais à peu près pour une plante, le pot plus l'engrais et la terre vont compter entre 3 et 4 euros à peine. Voilà. Donc, et au moins, on a la fierté de l'avoir fait soi-même. Pour la prochaine fois, ça sera les bulbes. Eh bien, je vous remercie tous et à bientôt. À bientôt, Alain. Merci. Bonne journée. Stéphane Silistri, bonjour et bienvenue dans notre émission des bons plans solidaires. Vous travaillez dans une association que nous connaissons bien, Fadjet, Arelia, et vous êtes plus particulièrement coordinateur dans le pôle AVA de cette association et dans les activités commercialisées. Alors, traduisons tout ça. Qu'est-ce que l'AVA et qu'est-ce que sont les activités commercialisées ? Je ferai un petit focus effectivement sur l'activité commercialisée dont je suis en partie coordinateur. L'AVA, pour être rapide, on est plutôt... En fait, qu'est-ce que ça veut dire AVA, hein ? Ça veut dire adaptation à la vie active. Donc voilà. Donc, sur ce pôle, l'objectif, c'est d'accompagner des personnes qui ont des possibilités d'aller, de retourner vers l'emploi, hein, qui ont eu des difficultés et des parcours de vie un peu compliqués. Et au travers de l'AVA, on va proposer différents ateliers. Alors, on a une transformerie, on a l'entretien du patrimoine, on a un atelier de couture qui s'appelle les tisseurs de liens, on a de la désinfection du self et de la réchauffe, de l'hygiène et la désinfection de locaux, donc ça, je vous en parlerai un peu plus en détail, et une blanchisserie. Quel est le but de ces ateliers pour les personnes qui y rentrent ? Alors, le but, c'est vraiment de leur remettre un pied à l'étrier. Hein. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, on a vraiment des personnes qui ont des parcours de vie un peu compliqués. L'objectif, c'est voilà, à travers ces ateliers, de leur permettre de reprendre des habiletés professionnelles. Hein, c'est-à-dire se lever le matin, s'apprêter, sortir de chez soi. Et au travers des différents ateliers, on a différents niveaux, on va dire, de professionnalisation. Hein. Donc, l'objectif, encore une fois, c'est vraiment de permettre aux gens de retourner vers l'emploi dans un futur proche. De reprendre un rythme, etc. Voilà, reprendre un rythme de travail. D'accord. L'AVA représente combien d'ateliers et de personnes qui, par an, remettent ainsi le pied à l'étrier ? Alors, on a à peu près entre 6 et 7 ateliers. Hein. On touche à peu près 250 personnes à l'année. Hein. Donc, alors, il faut savoir que c'est des contrats de 2 ans maximum, hein, pour la plupart. Donc, avec des personnes qui peuvent sortir en cours de parcours ou des personnes qui peuvent aller jusqu'à l'échéance des 2 ans. Hein. On touche donc 250 personnes. En termes de chiffres, à peu près en sortie positive, ça peut être intéressant de savoir que 25 à 30% des personnes accompagnées trouvent une solution. Alors, quand on parle de sortie positive, ça peut être vers l'emploi, ça peut être vers la formation, ou ça peut être aussi les accompagner à régler des situations difficiles, hein, je veux dire, au niveau social. Donc voilà, c'est ça, il y a un accompagnement qui n'est pas que professionnel, qui permet aussi à la personne de voir sa situation de vie s'améliorer aussi à nouveau. Tout à fait. C'est un global. Oui, c'est vrai, parce qu'on parle beaucoup de freins. Hein, on dit les freins à l'emploi, il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses autour des freins à l'emploi. Il y a la santé, il peut y avoir des problématiques de logement, il peut y avoir des problématiques de garde d'enfants, il peut... Moult difficultés. Mobilité, etc. Avec mobilité, voilà. Tout à fait aussi, ça c'est vrai, surtout en ce moment. Et on a tout un travail qui est justement fait par les conseillers socio-professionnels qui sont là justement à côté, hein, du parcours professionnel, là pour justement régler toutes ces problématiques diverses. D'accord. Et c'est au final, ça peut être l'emploi, ça peut être aussi une formation, c'est à chaque personne son parcours. Exactement, finalement. C'est du parcours sur mesure, hein, c'est ça. D'accord. Revenons-en à l'atelier prestations ménagères, dont vous êtes le coordinateur. Je suis un gestionnaire de biens, j'ai une résidence, et je voudrais vous contacter pour le nettoyage des communs, etc. Est-ce que ça rentre tout à fait dans le cadre de vos interventions ? Ouais, complètement, hein, et on peut même dire qu'on a des équipes de bons professionnels. Hein. On a plusieurs niveaux d'intervention. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on a des personnes à qui il faut remettre un peu le pied à l'étrier, qui sont plus sur un niveau de prestation, on va dire, plancher. Et puis, on a une équipe qui monte en compétences, hein, qui est plus formée, qui est habilitée à utiliser de la machine, du nettoyage de vitres un peu plus poussé. Et là, voilà. Donc, on a 3 niveaux d'intervention. Effectivement, vous pouvez nous solliciter, il n'y a pas de souci. Alors, bon, simplement, pour nous solliciter, ce n'est pas compliqué. On a un numéro de téléphone, hein, donc il y a un secrétariat direct. C'est le 03 83 96 56 64. Voilà, vous pouvez nous passer un coup de fil. On procède de façon classique, on établit un devis, on fait le tour du chantier, et puis la prestation peut commencer assez rapidement. Alors, on connaît bien OGSA, puisque nous-mêmes, on est une équipe AVA qui vient toutes les semaines faire le ménage de nos locaux. Et c'est vrai qu'il y a le plus souvent aussi un encadrement technique avec l'équipe qui montre dans un premier temps, qui leur dit les tâches à faire. Et puis, petit à petit, on voit que les gens deviennent de plus en plus autonomes. Et surtout, dans le savoir-être, la discrétion, le travail bien fait, on le remarque tout de suite, c'est des clés importantes. Alors, dans quel autre domaine intervenez-vous au niveau de ce chantier ? On est vraiment sur de la prestation ménagère. Hein. Alors, au niveau des différents clients, on travaille beaucoup avec des agences immobilières qui gèrent la gestion, qui font de la gestion locative. On travaille avec des collèges. On a travaillé dernièrement avec les bailleurs sociaux. Hein, c'est pour vous donner un petit peu l'étendue des interventions. Et voilà, au niveau de ce qu'on peut proposer, on passe du petit ménage de base, d'un appartement par exemple, au passage de monobrosse, hein, pour l'utilisation un peu plus technique, pose de cire, nettoyage de vitres, hein, voilà. On a différents niveaux d'intervention. Et votre secteur d'intervention, alors c'est Nancy, c'est l'agglo de Nancy, ça peut être au-delà? Oui, alors on va dire agglomération de Nancy, on va aller le chantier le plus éloigné, on doit être sur, que je ne dise pas, on va jusque à la limite de Toul, voilà, allez, pour vous dire, et puis, mais sinon on en sait agglomération. Ouais. Ok, je vous appelle demain, à votre sens, quel délai vous allez pouvoir avoir pour pouvoir faire une première prestation chez moi? Alors, dès la prévenance, je vous dis, le temps d'établir le devis, il faut compter une bonne semaine et demie, on est assez réactif quand même. C'est rapide. On peut être assez réactif, hein. Donc, d'accord. Comptez une bonne semaine et demie. Ouais. Et ça va de quelques heures à plusieurs interventions par semaine, par exemple? Oui, alors au niveau de la planification, on a une bonne quarantaine de chantiers actuellement, d'accord, avec, on va dire, 3 équipes de 10 personnes. 30 personnes en tout sur cet atelier-là, voilà. 3 personnes, donc en CDDI, en contrat d'insertion. Et les encadrants, évidemment. Et un encadrant par équipe, hein, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui est là pour veiller à la bonne exécution des travaux et qui met la main à la pâte aussi. Bon. Et puis en plus, j'ai envie de dire, c'est non seulement un travail dans le nettoyage, mais c'est aussi une bonne action, puisque derrière tout ça, ça permet à des personnes de reprendre le pied à l'étrier, quoi, j'aime bien le terme là, et de pouvoir aussi avancer dans leur projet professionnel et d'aller vers l'emploi. Donc c'est vraiment une bonne idée. Redonnez-nous encore une fois votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous contacter. Alors, donc c'est le secrétariat ménage, donc c'est le 03 83 96 56 64. Eh bien merci Stéphane Sinistri pour votre venue dans notre émission. Nous vous souhaitons évidemment une bonne réussite et une bonne journée. À bientôt. Merci, au revoir. Et c'est l'heure déjà de la première pause musicale. On va retrouver le duo Elton John et Dua Lipa dans Cold Heart. On écoute la chanson et on se retrouve juste après. Just passing through. No, no, no, no, no. partageons nos passions sur Fadjet. Après cette chanson, c'est l'heure de passer à la deuxième partie de notre émission déjà. Vous êtes toujours sur 94.2. On va retrouver Bertrand qui a un invité aujourd'hui. Il s'agit de Rémi Saricos qui va nous parler de, je ne dis rien, à toi Bertrand. Des Tigres de Nancy. Alors bonjour Rémi Saricos, qu'est-ce que les Tigres de Nancy ? Alors les Tigres de Nancy sont une association créée en 86 qui propose actuellement trois sports différents. Donc le football américain, le flag football et le cheerleading, donc qui sont trois sports liés à la culture américaine. Et donc le football américain le plus connu et le plus développé des trois sports dans notre association se distingue en deux catégories chez nous, donc la catégorie senior et la catégorie U20, donc pour les jeunes. Le flag football, donc, qui est un sport ressemblant fortement au football américain mais sans contact. On propose donc chez nous une section senior à partir de 15 ans et le cheerleading, donc qui est ce qui entoure un peu le folklore du football américain comme on peut le voir à la télé. Donc avec c'est un sport qui mêle gymnastique, danse et portée, et donc c'est un sport qui est ouvert chez nous à partir de 6 ans. Alors ces sports sont-ils mixtes ? Alors pour le football américain, non, c'est un sport où on a une équipe foot US masculine. On avait il y a quelques années une équipe féminine, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Sinon, concernant le flag football et le cheerleading, ce sont deux sports mixtes qui mêlent athlètes masculins et féminins en même temps sur le praticable ou le terrain. D'accord. Et ce sport est-il accessible à tous et à partir de quel âge ? Alors donc oui, c'est accessible pour tout le monde. Le football américain et le flag football accessible à partir de 15 ans chez nous. On aimerait bien ouvrir des sections plus jeunes, mais pour l'instant c'est pas le cas. Et le cheerleading à partir de 6 ans. Quelles sont les coordonnées pour vous contacter ? Vu que nous représentons trois sports, nous avons trois personnes différentes à contacter. Donc pour le football américain, il faut contacter Gaëtan Kervin, donc au 06 58 16 01 31. Le flag football, c'est moi-même, donc Rémi, au 06 19 77 46 75. Et pour le cheerleading, c'est Sarah Slovinski au 07 67 85 41 37. Bon, bah merci pour ces coordonnées. Comment se passe le début de la saison chez les Tigres ? Alors, cette saison, beaucoup de nouveaux. On a eu quelques soucis sur les précédentes saisons dues au Covid. Hein. Peu de nouveaux licenciés sur les dernières saisons. Mais cette année, on a un regain d'énergie dans toutes les sections. Donc, beaucoup, beaucoup de nouveaux licenciés. Donc, c'est plutôt bon signe pour cette nouvelle saison qui s'annonce. C'est où que vous vous entraînez ? Donc, pour le football américain et le flag football, on s'entraîne au stade des Aiguillettes à Villers-les-Nancy, donc à côté de la fac de sport. Et pour le cheerleading, donc il y a deux gymnases, le gymnase Capello et le gymnase Charles V. Donc les horaires sont disponibles sur nos différents réseaux. Il y a beaucoup d'horaires différents en fonction des sections et du sport. Donc je vous invite à rejoindre les réseaux pour connaître les horaires et ne pas hésiter à contacter l'un des trois représentants. Vous êtes sur Facebook, sur Facebook, les réseaux, Instagram et les cheerleading. Le cheer possède aussi un TikTok. Bah voilà, il faudrait peut-être donner l'adresse de la page Facebook éventuellement. Eh ben Tigre de Nancy pour le Facebook comme pour le Instagram. D'accord, merci. Vous en trouvez très facilement. Alors merci beaucoup de votre venue. Pourriez-vous nous rappeler vos coordonnées s'il vous plaît ? Alors pour le football américain, contactez Gaëtan au 06 58 16 01 31. Pour le flag football, moi-même Rémi, donc au 06 19 77 46 75. Et pour le cheerleading, Sarah au 07 67 85 41 37. Eh ben merci Rémi. Et puis ce qu'on va faire pendant la saison, on va venir avec un micro, puis on va directement venir lors d'un match ou lors d'un entraînement. Eh ben avec plaisir. On interviewera aussi tous les pratiquants. Eh ben merci, oui. Bertrand, on te retrouve encore une fois pour cette fois-ci un sujet qui a un lien avec l'interview précédente. Tu as fait des recherches sur les certificats médicaux pour le sport des enfants durant l'année périscolaire, etc. À toi. Oui, alors il y a le fameux certificat médical qu'on demandait autrefois à tous les enfants qui souhaitaient faire du sport, qui s'appelle en fait le, en jargon, le CACI, certificat d'absence de contre-indication à la pratique sportive. Alors, ce certificat est obligatoirement délivré par un médecin Et ce certificat doit obligatoirement faire à la suite une consultation. C'est-à-dire que ce certificat ne peut pas être délivré dans le cadre d'une consultation à distance par téléconférence, comme on a quelquefois pris l'habitude de faire ces derniers temps. Donc le médecin doit obligatoirement ausculter la personne avant d'établir le certificat. Il faut savoir également que la consultation médicale réalisée pour obtenir le certificat, le CACI, n'est pas prise en charge par la Sécurité sociale. Donc normalement, le médecin ne doit pas passer la carte vitale dans sa petite machine. Bon, ça c'est normalement parce qu'en fait, dans la plupart du cas... ils le font quand même. Ça veut dire que normalement, c'est une consultation 25 euros. 25 euros minimum, puisqu'en fait, le médecin, puisque la consultation n'est pas prise en charge par la Sécurité sociale, le médecin peut pratiquer le tarif qu'il veut. Rien n'empêche de prendre 50 euros si ça l'amuse, s'il a envie, parce qu'en fait, il doit réellement passer du temps plus qu'une consultation, parce que ça doit être un véritable examen. Voilà, donc ce certificat médical peut être décerné par n'importe quel médecin, généraliste, médecin du sport ou même le médecin du travail, éventuellement pour les adultes. La loi d'accélération et de simplification de l'action publique de décembre 2020 et le décret est passé le 7 mai 2021. Il y a eu une modification du code du sport et l'abolition, si on peut dire, du certificat médical obligatoire pour les enfants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'école, par exemple, on ne doit plus présenter de certificat médical pour faire du sport. Le seul certificat médical qu'on doit présenter, c'est pour ne pas faire de sport. C'est-à-dire, celui-là est obligatoire si vraiment vous n'avez pas, enfin, pour une raison quelconque, votre enfant... Voilà. Autrefois, il fallait que tous les enfants aient un certificat médical d'aptitude, si on peut dire, pour faire du sport. Maintenant, c'est l'inverse. Si ils ne peuvent pas faire de sport, c'est là qu'il faut un certificat médical obligatoire. Autrement, le certificat médical est remplacé en fait par un questionnaire de santé en 24 questions. Donc pour l'EPS obligatoire à l'école, pas de certificat médical, rien du tout. Mais un questionnaire. Voilà. Et donc le questionnaire, un questionnaire de santé en 24 questions auxquelles les enfants eux-mêmes doivent répondre avec l'aide de leurs parents, éventuellement. Et ça suffit. Et si une seule des questions, on a répondu non à une seule des questions, à ce moment-là, il est conseillé d'aller voir un médecin pour vérifier l'état de santé éventuel. Alors, il faut savoir que le certificat médical reste obligatoire pour les disciplines sportives à contraintes particulières qui sont listées. Alors, vous avez l'alpinisme, la plongée subaquatique, la spéléologie, les sports pratiqués en compétition pour lesquels le combat peut prendre fin par KO, tels que la boxe anglaise, le kickboxing, etc. Les sports comportant l'utilisation d'armes à feu, les sports pratiqués en compétition comportant l'utilisation de véhicules, les sports aéronautiques pratiqués en compétition, et le parachutisme ainsi que le rugby à 15, à 13 et à 7. Donc on suppose que le football américain, même s'il n'est pas listé par le gouvernement dans sa liste, il est quand même conseillé de fournir un certificat. C'est ce que Rémi Salikos nous disait tout à l'heure, c'est qu'il est affilié à peu près aux mêmes critères que des sports comme le rugby, par exemple. Voilà, parce que le football américain, c'est quand même un sport de contact, hein, on ne peut pas dire le contraire. Oui. Mais pas toutes les disciplines, comme il nous a expliqué. Eh bien, merci Bertrand pour cette chronique. On te retrouve le mois prochain. Et il est l'heure maintenant de retrouver notre seconde pause musicale. C'est une chanson anniversaire, puisqu'on va fêter ses 20 ans. Ça va remuer dans le studio, puisqu'il s'agit de la chanson Ketchup Song du groupe Las Ketchup. On écoute et on se retrouve après. Hey! Fadjet. C'est plus qu'une radio. Voilà pour cette chanson bien dynamique. Il est presque l'heure maintenant de terminer notre émission. Pas avant ma dernière petite chronique qui concerne, comme d'habitude, les anniversaires des célébrités qui sont nées en octobre. Alors, toutes et tous dans le studio, vous êtes prêts à jouer ? Prêt. C'est parti. Je suis né le 15 octobre 1968 à Bayonne, dans les Pyrénées-Atlantiques. Je suis un sportif international français, reconverti en entraîneur. Depuis 2012, je suis le sélectionneur de l'équipe de France de football. Didier Deschamps, non ? Oui, Didier Deschamps, bravo. Allez, on continue. Je suis né le 30 octobre 1937 à Paris, dans le 9e arrondissement. Je suis un réalisateur, un producteur, un scénariste et un cadreur français. Ma filmographie comporte plus de 50 films, dont mon premier, qui était un succès international en 1966, et qui s'appelait, si je vous dis Shabadabada, Shabadabada, Un homme et une femme. Ensuite, il y a eu Le Voyou en 70. J'ai fait ce film avec Lino Ventura et Brel. L'aventure, c'est l'aventure, les uns et les autres. Et un de mes derniers films était en 88, Itinéraire d'un enfant gâté, un des tout derniers films de Jean-Paul Belmondo. C'est très simple, je suis. Oh. Eh bien, vous avez perdu, vous payez la pizza à midi, c'était Claude Lelouch. Ah voilà, ça y est. Je suis né le 16 octobre 1963 à Paris. Je suis un acteur, je suis un scénariste, je suis aussi réalisateur et même chanteur. Je me fais connaître en 1988 dans la série télévisée Lundi sur TF1. Avant de former avec Dieudonné un duo comique. Élise et Moon. Oui, bravo, Élise et Moon. Et nous arrivons à la dernière personnalité dont c'est l'anniversaire, qui est née le 29 octobre 1959. Je suis un personnage de fiction. Mes papas sont René Goscinny et Albert Uderzo. Astérix, peut-être. Je ne suis pas Astérix. Obélix. On continue. Je joue un rôle prépondérant, justement, dans les aventures d'Astérix le Gaulois. Idéfix, le petit chien. Non. Obélix. Non. Attends, bon, j'en sais rien. Je suis porté par tout mon village sur un bouclier. Abraracourcis. Bravo. Et voilà, notre émission maintenant se termine. On arrive à la fin. Merci à tous dans le studio d'être venus. Merci à Nissa. Merci à vous, à Nicolas. Voilà, merci à la, merci Bertrand, merci à nos invités. Merci surtout à Yves, à la réalisation. On se retrouve ici le mois prochain, même heure, même endroit. En attendant, d'ici quelques instants, vous allez retrouver le 13 en forme. Bonne journée à tous, à toutes, à bientôt. Ciao, ciao. Salut. Ciao.